Ravi de vous retrouver pour la saison 3 d'Affaires Sensibles et merci de votre fidélité pendant l'été tous les jours à 20h. Nous reprenons donc nos horaires habituels avec aujourd'hui, pour ouvrir le bal, une histoire connue sous le nom de l'attentat de l'Observatoire. C'était en octobre 1959. En pleine nuit, une voiture est mitraillée à l'arme automatique dans les rues de Paris. À son bord, un jeune sénateur de l'opposition échappe de peu à la mort. Dans les jours qui suivent, un étrange personnage proche des milieux d'extrême droite sort de l'ombre et affirme qu'il s'agit là d'un coup monté. Et il ajoute que la victime est en réalité le coupable. Alors les esprits s'échauffent, l'affaire prend la forme d'une machination politique. Telles sont les premières lignes de l'intrigue de l'un des dossiers les plus passionnants et les plus rocambolesques des débuts de la cinquième. Un demi-siècle après les faits, malgré des enquêtes documentaires et historiques, le mystère demeure. Une seule certitude, toutefois. Cette histoire aurait pu coûter sa carrière politique à un jeune homme ambitieux. Et pourtant, ce jeune homme deviendra par la suite président de la République. Oui, pendant 14 ans, de 1981 à 1995, il s'agit donc de François Mitterrand. Pour certains biographes de l'ancien chef de l'État, cette affaire est d'ailleurs celle qui exprime le mieux l'ambiguïté du personnage. Mais elle restera aussi, sans doute, comme sa plus grande épreuve personnelle et politique. Alors, que s'est-il réellement passé dans la nuit du 15 au 16 octobre 1959 à Paris, avenue de l'Observatoire? Et surtout, quel est le rôle joué par François Mitterrand dans toute cette affaire? Pour en parler après le récit, nous avons invité le directeur du journal Libération, Laurent Geoffrin, notre partenaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat donc avec le journal Libération, confectionnée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Delphine Leplay, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Ici Paris, Radiodiffusion Télévision Française, ensemble du réseau. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos programmes pour vous présenter une émission spéciale du journal Parlé. Et nous vous mettons en communication avec le Palais de l'Élysée. Ici le Palais de l'Élysée, où l'on vient de nous distribuer le texte du message du président de la République au Parlement, message lu à l'Assemblée nationale par M. André Le Troquer et Gaston Monnerville. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Parlement, le jour même où le Congrès du Parlement, sans que j'aie brigué cet honneur, m'a appelé à la première magistrature de la République, j'ai pris l'engagement, et je le tiendrai jusqu'au bout, d'obéir scrupuleusement à la Constitution. 4 ans et demi auront bientôt passé sans que mes appels de plus en plus instants soient suivis d'effet. Et, quelle que fussent la valeur et le patriotisme des hommes qui se sont succédés au pouvoir, l'État n'a cessé de se désagréger. Nous voici maintenant au bord de la guerre civile. Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté et qui, ayant ainsi réalisé autour de lui l'unanimité nationale, refusa la dictature pour rétablir la République. Le 29 mai 1958, l'histoire s'écrit en direct sur les ondes de l'ORTF. Dans une déclaration solennelle, le président de la République, René Coty, demande donc au général de Gaulle de revenir au pouvoir. Une décision grave, mais nécessaire, pense-t-il, pour l'avenir du pays. Car en cette année 1958, la France se trouve dans une impasse politique profonde. Le modèle de gouvernance parlementaire est en crise. À la tête des plus hautes institutions de l'État, les responsables politiques se succèdent, sans résultat. Troublé par l'instabilité ministérielle chronique, chahuté par les questions d'ordre social et économique, contesté au niveau de ses prises de position à l'échelle internationale, la 4e République apparaît impuissante et démunie. La situation est d'autant plus préoccupante qu'au même moment, le pays fait face à une menace majeure venue de l'autre côté de la Méditerranée. À 1300 km de là, en Algérie, un putsch mené par des militaires français et dirigé par le général Salan met en place un comité de salut public et exige le retour du général. Cet événement que l'histoire retient comme le coup d'État du 13 mai 1958 marque le point d'orgue de 4 ans d'une guerre qui ne veut pas dire son nom et qui divise les Français. C'est dans ce contexte très particulier qu'au début du mois de juin 58, dans les jours qui suivent l'allocution du président Coty, le général de Gaulle accepte de revenir aux responsabilités. Il forme un gouvernement provisoire et décide, face à l'urgence, de se rendre sur place, en Algérie. Et c'est ici que le 4 juin, sur la grande place du Forum d'Alger, face à des dizaines de milliers de personnes galvanisées, que le nouvel homme fort de la France prononce un premier discours qui va marquer les mémoires. Et voici le général de Gaulle qui s'avance. Il est découvert, il vient de faire son fameux signe des deux bras. Il attend que la foule se calme, il demande le silence. Il paraît très ému, le chef du gouvernement français. Entendez la foule qui l'acclame, de Gaulle, de Gaulle. Le général s'est croisé les mains sur la poitrine, il attend maintenant que le silence se fasse, ce silence arrive. Il se fait, et voici le général de Gaulle qui parle. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. La foule enthousiaste se déchaîne. Lui, l'homme de l'appel du 18 juin 40, l'homme de la France libre, choisit des mots au sens ambigu. Des mots qui ouvrent des opportunités politiques nouvelles et réelles pour les Algériens, mais aussi pour les Français d'Algérie. Un an plus tard, en juin 1959, la France est jetée dans les bras de la Ve République. Un système politique qui confère au président davantage de pouvoir, ce n'est rien de dire. Au même moment, l'épineux dossier algérien revient sous la lumière des projecteurs. À l'Assemblée et au Sénat, les parlementaires étudient un projet de loi sur les dispositions financières et monétaires allouées à la colonie pour les années à venir. Un prétexte idéal pour engager un nouveau débat de fond sur la question algérienne. Par voie de presse, membres de la majorité et responsables de l'opposition s'affrontent. À la rentrée de septembre, pour couper court aux polémiques et garder la main, le général de Gaulle propose un concept plus pragmatique, l'autodétermination. En d'autres termes, la possibilité, après consultation de la population, d'une Algérie indépendante, associée ou intégrée. L'annonce provoque la colère des partisans d'Algérie française. Les ultras, comme on les surnomme, parlent de trahison politique. Eux, qui avaient appelé au retour du général, menacent désormais de se retourner contre lui et de mettre la République à feu et à sang. Conséquence directe, au début de l'automne 1959, Paris est la proie de toutes les intrigues et vit sous la menace du complot. La presse relaie les rumeurs de coups d'État, d'enlèvements ou encore d'attentats à la bombe fomentés par les réseaux militaires français en Algérie et leurs alliés d'extrême droite, en métropole. Le général de Gaulle fait appel à l'armée pour garantir l'ordre républicain. Les véhicules qui entrent et sortent de la capitale sont fouillés, leurs conducteurs sont interrogés. De leur côté, les responsables politiques, et en particulier ceux qui défendent l'idée d'une Algérie indépendante, sont appelés à la plus grande prudence. L'atmosphère est telle que le 15 octobre, dans le quotidien Paris Presse, le député gaulliste Lucien Neuwirth alerte sur un risque, selon lui, imminent. Il est urgent de se ressaisir. Le drame peut être pour demain. Déjà, des commandos de tueurs ont passé la frontière espagnole. Les personnalités à abattre sont désignées. Personne ne doit se sentir à l'abri. Préparé au pire, l'opinion publique s'attend à vivre des heures sombres. Et nombreux sont ceux qui s'interrogent. Quelle sera la première cible? Qui sera la première victime? Quand frapperont-ils? Personne n'imagine alors que toutes ces questions trouveront une réponse le soir même, en plein cœur de la capitale. Jeudi 15 octobre 1959, Paris, il est un peu plus de 23h30. Ce soir-là, le temps est clair, le vent est frais, les rues de la capitale sont désertes. Boulevard Saint-Germain, un homme sort de la brasserie Lip. Il enfile un imper gris et allume une cigarette. Puis, il se dirige vers son véhicule, une Peugeot 403 bleue, garée quelques mètres plus loin. L'individu, d'une trentaine d'années, s'installe et démarre pour rentrer chez lui. Dans la nuit parisienne balayée par le halo des lampadaires, le conducteur de la Peugeot 403 remonte le boulevard Saint-Germain et s'engage à droite, rue Tournon. À ce moment précis, il constate qu'un véhicule semble le suivre. Dans le rétroviseur intérieur apparaît une petite automobile de couleur grise qui circule feu éteint. Pour en être sûr, arrivé en haut de la rue Tournon face au gris du Sénat, l'homme met son clignotant à droite, puis braque brusquement le volant à gauche et s'engage rue Médicis. Il accélère, le moteur de la 403 hurle et le véhicule part en trombe. Quelques dizaines de mètres plus loin, l'homme jette un nouveau coup d'œil dans le rétro et là, stupéfait, il découvre que la voiture grise est toujours derrière lui. Cette fois, plus aucun doute possible, il est pris en chasse. Lancés dans une course à près de 90 km/h, les deux véhicules longent le jardin du Luxembourg et se retrouvent en haut du boulevard Saint-Germain. Les pneus crissent, les voitures dérapent. L'homme au volant de la 403 prend tous les risques pour échapper à son poursuivant. Quelques centaines de mètres plus loin, il tente le tout pour le tout et négocie un virage brut à la droite, rue Auguste Comte, avant d'enchaîner en catastrophe un autre virage, cette fois à gauche, avenue d'Observatoire. Puis la 403 s'arrête net, sur le côté de la chaussée. Son conducteur ouvre la porte et saute derrière les buissons. Dans les secondes qui suivent, le second véhicule arrive. Il ralentit. La fenêtre arrière gauche s'ouvre, le canon d'une mitraillette apparaît et aussitôt crépite le bruit d'une rafale d'armes automatiques. Sans prendre le temps de s'arrêter, la voiture grise repart à pleine vitesse rue d'Assas avant de disparaître au carrefour Port-Royal. De son côté, le conducteur de la 403 bleue court se réfugier dans l'entrée d'un immeuble voisin. Réveillé par les coups de feu, le gardien découvre un homme choqué devant sa porte. Il appelle immédiatement la police. Un quart d'heure plus tard, le chef de la brigade criminelle, le commissaire Clos, arrive sur les lieux. Un impressionnant dispositif de police boucle désormais l'avenue de l'Observatoire. Les voisins sont réveillés un à un, puis interrogés. Mais il n'en ressort rien. Le commissaire Clos s'avance et découvre, protégé par les policiers, la Peugeot 403, là, sur le bas-côté. Sur la portière droite, il distingue 7 impacts de balles. Un peu plus loin, le conducteur est là. Le commissaire s'approche, l'homme se retourne. Apparaît alors à la lumière de l'immeuble le visage de l'ancien garde des Sceaux et sénateur de la Nièvre, François Mitterrand. Le lendemain matin, vendredi 16 octobre, la France découvre ce qu'elle va appeler désormais l'affaire de l'attentat de l'Observatoire qui s'installe à la une de l'actualité au même titre que le vote parlementaire sur l'Algérie. Midi Actualité, une émission de Maurice Hutin et Paul-Louis Mignon. François de Lagrange, vous nous rappelez d'abord les chiffres du vote de confiance intervenu cette nuit à l'Assemblée nationale. Oui, c'est donc par un vote massif et qui dépasse les prévisions les plus optimistes des observateurs, 441 voix pour, 23 contre et 28 abstentions, que l'Assemblée nationale a accordé sa confiance au gouvernement pour mener à bien la politique algérienne définie par le général de Gaulle. Car on ne peut s'y tromper, à travers le gouvernement qui l'a avalisé, c'est la traite tirée le 16 septembre par le chef de l'État que les députés ont acceptée cette nuit. Mais le vote massif n'a pas désarmé les fanatiques. La voiture de M. François Mitterrand, ancien ministre de la Justice, dont on sait qu'il a pris depuis longtemps position en faveur de la négociation, a essuyé justement cette nuit en plein Paris plusieurs rafales de mitraillettes. L'ancien ministre, grâce à sa présence d'esprit et à ses qualités sportives, il a pu sauter par-dessus les grilles du jardin du Luxembourg, n'a pas été blessé et ses agresseurs se sont enfuis. Au sein de la classe politique, la nouvelle de l'attentat contre François Mitterrand suscite l'indignation. L'émotion est palpable. Les mines sont graves et les discours plus solennels que jamais. Dans la presse, le journal Le Figaro publie en première page une photo grand format du jeune et sémillant Mitterrand. Le sénateur de la Nièvre pose comme un héros. Le journal Le Monde parle de lui comme d'un miraculé. Les journalistes et chroniqueurs politiques au diapason font alors l'éloge d'un homme courageux, victime de ses idées au nom de son engagement politique. Un homme qui ne doit sa survie qu'à sa présence d'esprit et à son sens de la décision. Bref, en l'espace de quelques heures, Mitterrand est une star. 47 années 1959, il est un personnage politique marginalisé jusqu'au sein de son propre parti. Certes, il est sénateur-maire de Château-Chinon, il dispose d'un important réseau d'influence, son visage n'est pas inconnu des Français, et puis, il était 6 fois ministre sous la 4e République, mais sous le gaullisme triomphant, il n'incarne pas grand-chose. Circonstance aggravante, la figure tutélaire de la gauche réformiste à l'époque, c'est un autre, c'est Pierre Mendès-France. Autant dire que cette affaire d'attentat raté tombe à pic, rien de tel pour éclairer ce que François Mitterrand était devenu, ou presque, une ombre. La centaine de lettres de soutien qu'il reçoit de la part d'hommes de lettres, d'universitaires, de responsables politiques, dont Pierre Mendès-France lui-même, en est la preuve. En fin d'après-midi, ce vendredi 16 octobre, François Mitterrand reçoit les journalistes en conférence de presse. Il leur explique qu'il est l'objet d'appels anonymes menaçants depuis plusieurs semaines. Puis il débute son récit avec calme et retenue, sa traque de la veille en plein Paris. En face de lui, les journalistes l'écoutent, médusés. Tous prennent en note les détails de cette histoire qui, bien sûr, fera les gros titres. Puis l'un des journalistes se lève et interpelle le sénateur. « Monsieur Mitterrand, avez-vous une idée des personnes qui auraient pu en vouloir à votre vie ?»« Je ne dirai rien qui puisse ajouter au désordre des esprits. Mais il est logique de penser que le climat de passion politique créé par des groupements extrémistes explique cette affaire. Je suis, comme mes amis politiques, un patriote. Je ne lutte que pour le meilleur service de la France. Il est triste que des campagnes d'excitation aient pu dresser à ce point les Français contre les Français. Je pense qu'il appartient désormais aux services qualifiés de faire l'enquête qui convient. Pour les Français, le scénario est limpide. Cet attentat, c'est un coup de l'extrême droite et des ultras partisans de l'Algérie française. Oui, ce sont eux qui ont tenté d'assassiner François Mitterrand la veille dans les jardins d'Observatoire. Après tout, le scénario se tient. La presse prend donc les déclarations des sénateurs de la Nièvre pour argent comptant. D'ailleurs, malgré la gravité des faits, aucun journaliste n'entreprend d'enquête ou ne vérifie les sources et les témoignages. Non, pour les journaux comme pour le grand public, François Mitterrand est la victime d'un péril fasciste que l'on présumait depuis longtemps. Et puis, il paie le tribut de ses positions franches en faveur de l'autodétermination des Algériens. Voilà, fin de l'histoire, pense-t-on dans les rédactions. Même chose d'ailleurs dans les commissariats. Les policiers de la brigade criminelle interpellent dans les cercles proches de l'extrême droite et interrogent plusieurs individus. Mais rien ne ressort. Pourtant, on s'entête, persuadé qu'on tient là la clé de l'histoire. Sauf que la clé n'est pas là. Et c'est l'un des auteurs de la tentative d'assassinat qui va la poser sur la table quelques jours plus tard. Grâce au témoignage de cet homme de l'ombre, le grand public va découvrir la face cachée, l'aspect rocambolesque de toute cette affaire. Des révélations fracassantes qui vont faire passer François Mitterrand du statut de victime à celui de coupable. Yeah. nous faut revenir maintenant sur l'attentat dont a été victime l'autre jour M. François Mitterrand, ancien garde des Sceaux. Aujourd'hui, un ancien député républicain social du Loir-et-Cher, M. Pesquet, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a accusé M. Mitterrand, sénateur de la Nièvre, d'avoir monté de toutes pièces, avec la complicité de M. Pesquet lui-même, l'attentat dont il a été récemment victime au Petit Luxembourg. Jeudi 22 octobre 1959, Paris. Une semaine jour pour jour après la course-poursuite et la fusillade avenue de l'Observatoire, l'affaire de l'attentat contre François Mitterrand prend une tournure inattendue. Dans son édition hebdomadaire, le journal Rivarol titre en caractère gras « L'homme qui a tiré sur Mitterrand nous fait le récit complet de l'attentat bidon ». Ouais, bidon, le mot est lâché. Dans l'article qui suit, en page 2, les journalistes de cette publication d'extrême droite affirment qu'ils sont en mesure de révéler au peuple de France l'une des machinations les plus monumentales et les plus scandaleuses qui ait jamais été montée, je cite. L'individu à la manœuvre s'appelle Robert Pesquet. Âgé de 42 ans au moment des faits, c'est un ancien député proche de Pierre Poujade et des milieux d'extrême droite. Un notable à la carrière brisée par son expérience en Algérie, un homme qui a connu à la fois les ors des ministères et les murs froids de la prison. Un personnage sulfureux qui affirme connaître une toute autre version de la nuit de l'Observatoire. Dans le récit qu'il fait au journal Rivarol et en conférence de presse, Robert Pesquet explique « J'ai rencontré François Mitterrand au palais de justice de Paris le 7 octobre, soit une semaine avant l'attentat. Il était accompagné de Roland Dumas qui ensuite est parti. Alors ensemble, avec François Mitterrand, nous sommes allés marcher, nous avons parlé de choses et d'autres. » Puis il m'a proposé de participer à quelque chose de dangereux. Ensuite, Pesquet raconte avoir revu François Mitterrand le 14 octobre au café Marignan sur les Champs-Élysées. C'est là que le sénateur de la Nièvre lui aurait demandé de commettre contre lui un faux attentat qui aurait décrédibilisé l'extrême droite. Pesquet ajoute, Mitterrand m'a fait promettre d'aller jusqu'au bout et de ne pas le trahir. Sinon, m'a-t-il dit, il me le ferait payer cher. Toujours sans le Pesquet, les deux hommes se retrouvent ensuite le lendemain à côté des jardins du Luxembourg pour préparer leur mise en scène. Puis, ils se fixent un ultime rendez-vous, le jeudi 15 octobre au soir, à 23h30, devant la brasserie Lip, moment où ils passeront à l'action. Le témoignage de l'ancien député Poujadis fait l'effet d'une bombe, si je puis dire. Car Robert Pesquet ne s'est pas en effet présenté à la presse les mains vides, ou que non. Il montre aux journalistes les copies de deux lettres qu'il s'est envoyées à lui-même pour se couvrir avant l'attentat, lettre ouverte par la suite chez un huissier. Dans celle-ci, on y découvre le plan détaillé de la course-poursuite avec François Mitterrand jusqu'à l'avenue de l'Observatoire. Il explique aussi que c'est le gardien de sa propriété, un dénommé Abel Dahuron, qui conduisait le véhicule le soir de l'attentat et que c'est lui, Pesquet, qui a fait feu. Histoire fourmi de détails. Comment Pesquet pourrait-il inventer tout cela ? Dans les salles de rédaction des autres quotidiens, la stupeur s'installe. Et si cet intrigant disait vrai ? Et si Mitterrand avait menti ? Oui, et si ? En l'espace d'une matinée, les principaux journaux comprennent que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'elle ne leur est apparue au début. Alors, ce que le tout Paris compte de journalistes, d'éditeurs, de chroniqueurs et autres commentateurs cherche à joindre François Mitterrand, évidemment. Mais le sénateur de la Nièvre reste injoignable. Convoqué en milieu de journée au palais de justice pour s'expliquer sur les révélations de Robert Pesquet, il se refuse à tout commentaire. Mon résumé. Monsieur le ministre, vous pouvez me faire une petite déclaration, s'il vous plaît. Non, aucune déclaration. Aucune déclaration. Pour qui donc, d'ailleurs ? Pour la radiodiffusion télévision française. Non, je n'ai pas de déclaration à faire. La suite démontrera ce qui sera nécessaire. Merci, monsieur le ministre. Aucune déclaration à faire. Mais face au juge, François Mitterrand est plus disert. Mis au pied du mur par les révélations de Pesquet, il confirme devant les magistrats qu'il a bien rencontré l'ancien député avant l'attentat, mais que cela n'avait rien à voir avec ce qui était rapporté dans la presse. Non, c'est Pesquet qui aurait engagé la conversation sur le sujet et qui lui aurait dit « Je suis pris dans un engrenage, les gens d'Alger me tiennent. Ils veulent aussi abattre Madès France, Mollet et Pfumelin. Ils m'ont demandé de vous tuer, mais je veux pas marcher dans leur plan. » Certes, nous n'avons pas les mêmes idées, mais je ne suis pas un tueur. Pesquet aurait ajouté, je vous préviens au péril de ma vie, surtout n'allez pas me dénoncer. N'allez pas me livrer à la police. Voilà, je vous propose d'organiser un faux attentat contre vous, ce qui aura l'avantage de me couvrir vis-à-vis des gens d'Alger et de vous garder en vie. Bien, les juges écoutent attentivement la déposition de l'ancien ministre. Mais enfin, pourquoi pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police, monsieur Mitterrand ? Parce que j'aurais pu venir dénoncer un homme qui prétendait me sauver la vie, répond-il. Puis le sénateur de la Nièvre ajoute d'un ton solennel : vous savez, dans cette affaire, j'étais perdant sur tous les fronts. Soit j'étais abattu, je ne pouvais plus parler, soit j'en réchappais, ce qui est le cas, et j'ai tombé dans cette machination. Mais cette défense ne convainc pas. À droite, parmi les milieux gaullistes, l'occasion est trop belle pour discréditer Mitterrand. À gauche, la gêne est palpable. Dans le journal Le Populaire, organe de la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste, l'éditorialiste Claude Fusier se demande qui de Pesquet ou de Mitterrand ment dans le récit de cette affaire. Et là, le drame devient aussi une farce. D'ailleurs, à la télé, c'est désormais Robert Pesquet lui-même qui joue les interviewés amusés. Monsieur Pesquet, pouvez-vous nous faire un résumé de l'affaire ? Écoutez, je ne veux pas vous faire un résumé de l'affaire, nous en avons déjà suffisamment parlé, j'ai été interviewé quantité de fois. De plus, il y a une instruction en cours et je désire en respecter complètement le secret et qu'elle se déroule tout à fait normalement. La seule chose que je puis vous indiquer ce matin, c'est que nous sommes informés auprès du parquet pour savoir si les affirmations qui ont été annoncé dans la presse dernièrement, ce matin, était exact, c'est-à-dire si la constitution de parti civil de M. Mitterrand avait été acceptée. Or, je viens d'avoir l'affirmation que la constitution de parti civil de M. Mitterrand n'avait pas encore été acceptée. Dans l'état présent des choses, je crois que c'est tout ce que je puis vous dire. Mais écoutez, M. Pesquet, je vous en remercie. Merci. Au revoir. Au soir du 22 octobre, après une cascade de révélations et d'explications humiliantes, François Mitterrand sombre dans une sévère dépression. Selon ses proches, il est brisé. André Rousselet, un ami proche, confiera plus tard au biographe Éric Roussel qu'il a craint que Mitterrand ne se suicide. Il faut dire que la transition est brutale. De héros populaires, Mitterrand est devenu en une journée un imposteur public. 5 jours plus tard, alors qu'il est au pied du mur, il va pourtant reprendre le combat et l'initiative. Ce jour-là, le Premier ministre Michel Debré demande la levée de son immunité parlementaire. Pour les gaullistes, il s'agit de porter un coup fatal au sénateur de la Nièvre en rendant possible sa comparution devant un tribunal. Au palais du Luxembourg, François Mitterrand prend la parole avec force et brio. Il se dit victime du gaullisme et d'une chasse expiatoire menée par la droite et il emmène le débat sur son terrain, la politique. Sa rhétorique est sans nuance. « J'accuse les gens de l'extrême droite d'avoir sorti les poignards de la guerre civile », dit-il. François Mitterrand abat alors une carte brûlante qui joue en sa faveur. Il affirme que l'ancien président du Conseil, Maurice Bourgès-Monoury, avait pris contact avec le directeur de la Sûreté pour lui faire part du traitement identique qu'il avait subi un mois plus tôt de la part de Robert Pesquet. Autrement dit, Mitterrand n'est pas le seul à avoir été piégé. Une preuve qui renforce la thèse d'un complot politique, une preuve qui remet du baume au cœur au jeune sénateur et à ses soutiens. Loin des cabinets du pouvoir et des hémicycles, c'est sur le terrain médiatique que François Mitterrand engage sa stratégie de reconquête. Risqué d'ailleurs, car il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Mais il joue sur leur interprétation et sur la crédibilité à apporter à Robert Pesquet. Enfin, comment lui, François Mitterrand, homme de gauche, aurait-il pu confier une tâche aussi saugrenue à un adversaire politique ? La presse favorable à son camp se met alors à son service et elle sort l'artillerie. De nombreuses personnalités se mobilisent pour le soutenir. Parmi elles, l'intellectuel François Mauriac, qui continue d'alimenter des tribunes où il défend le sénateur de la Nièvre contre, dit-il, les fanatiques de l'extrême droite. Même chose dans l'hebdomadaire L'Express, où François Giroud prend elle aussi passionnément sa défense dans un vibrant plaidoyer. Il a 43 ans. Il a été le plus jeune ministre de France depuis l'Empire. Puis le plus jeune garde des Sceaux. C'est un homme qui a le temps. Et c'est un homme qui sait attendre. On l'a vu lorsque Robert Schuman lui proposa le ministère de l'Intérieur et que ce parlementaire de 30 ans, loin de sauter sur ce qui constituait une prestigieuse promotion, refusa. Il est doué d'une intelligence froide, rapide, aux mécanismes implacables. Qu'il vous plaise ou non, ce François Mitterrand secret, insaisissable, vous savez que vous ne pouvez lui dénier l'intelligence. Vous l'aborez ? Concédez-lui l'ambition. L'intelligence plus l'ambition ne peuvent le conduire à solliciter la complicité d'un voyou notoire. Le chemin politique de François Mitterrand ne peut pas passer par Pesquet. La presse de gauche reprend des couleurs. Quant au dossier Mitterrand-Pesquet, il bascule dans une toute autre dimension au fil des semaines, une dimension politique. Désormais, il ne s'agit plus de savoir qui parmi les deux protagonistes est la véritable tête pensante du faux attentat et qui dit la vérité, non. Non, le débat porte sur la crédibilité à donner à la gauche ou à l'extrême droite dans toute cette affaire. Mitterrand remporte là une importante bataille, mais la guerre se poursuit. Le 18 novembre, en effet, le Sénat vote la levée de son immunité parlementaire. On peut donc penser que Mitterrand a perdu, qu'il va vivre un procès pénible, que sa carrière politique va s'arrêter net. Il n'en est rien, au contraire. À partir de cette date, les sorties de plus en plus contradictoires des différents protagonistes continuent de semer le doute. Les juges, de leur côté, ne demanderont jamais à entendre de nouveau François Mitterrand. Alors, le dossier sombre. Dans les milieux politiques, une rumeur prétend que le sénateur de la Nièvre aurait menacé d'abattre une autre carte secrète qui concerne un épisode trouble d'Algérie et qui impliquerait des responsables politiques français jusqu'au Premier ministre Michel Debré. D'autres disent que les gaullistes, pensant Mitterrand définitivement décrédibilisé, ont préféré arrêter là la machine judiciaire. 6 ans plus tard, en novembre 1965, à la veille de l'élection présidentielle où le général de Gaulle affronte François Mitterrand, justement, le dossier de l'attentat de l'Observatoire refait surface. À la surprise générale, le journal Le Monde publie une lettre de Robert Pesquet dans laquelle l'ancien député poujadiste affirme que le commanditaire du faux attentat contre François Mitterrand n'est autre qu'un homme d'extrême droite bien connu à ce moment-là, il en est même un leader, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, aidé par son lieutenant, un certain Jean-Marie Le Pen. Et les journalistes du Monde concluent « Il reste qu'un attentat, vrai ou plus probablement faux, a bien eu lieu dans la nuit du 15 au 16 août 1959, avenue de l'Observatoire. Depuis lors, ni le pouvoir, ni ses adversaires n'ont voulu faire vraiment la lumière sur cette affaire. Pourquoi ?» Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la réponse. Mais il est saisissant de constater qu'un homme qui est passé à quelques encablures du gouffre s'est retrouvé 22 ans plus tard à l'Élysée, devenant aux yeux de beaucoup d'observateurs le président le plus marquant de la Ve République avec le général de Gaulle. Cette histoire confirme donc un adage bien connu et avéré, en politique, on n'est jamais mort. Thank you. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, François Mitterrand et la nuit de l'Observatoire, une émission en partenariat avec le journal Libération, dont un invité aujourd'hui est le directeur de la publication, c'est Laurent Geoffrin. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, cette affaire date de 1959 et pourtant, elle semble intemporelle dans le sens où elle passionne toujours ceux qui la connaissent et peut-être ceux qui l'ont découverte aujourd'hui. Et pourtant, elle est vieille, l'affaire est classée, ça n'a pas empêché François Mitterrand de faire sa carrière politique, c'est bon qu'on puisse dire. Ça a failli. Hein bon, ça a failli. Bon, et pourquoi elle nous fascine tant cette histoire. Et dans, vous avez remarqué que dans toutes les biographies de François Mitterrand, il y a toujours un chapitre sur l'Observatoire. C'est normal, il a failli disparaître et après c'était une sorte de résurrection. Il a mis 4 ans ou 5 ans pour revenir au premier plan. Et puis il y a un mystère, on n'a pas le fin mot de l'affaire. Ouais. On a des hypothèses plus ou moins crédibles, mais on n'a pas de documents ou de témoins incontestables qui puissent dire voilà. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Alors, on sait que l'attentat était faux. Là, il n'y a aucun doute, puisque Pesquet avait décrit tous les mécanismes avant, dans des lettres. Qui s'étaient envoyées. Qui s'étaient envoyées, dont il est avéré donc qu'elles aient été écrites avant l'attentat. Il donnait tous les détails. Comme Mitterrand, après, a dit, vous savez, j'ai fait semblant de tourner à droite, puis j'ai tourné à gauche. Donc, les assassins ne pouvaient pas savoir où... Vous allez. Si c'était un vrai attentat, où il allait. Or, Pesquet avait tout décrit. Il disait, ça se passera à l'Observatoire. Donc, c'était bien de connivence avec Mitterrand que la voiture s'est retrouvée à cet endroit-là et non pas ailleurs. Et malgré tout... Donc, c'est un montage. C'est un montage. Mais c'est un attentat bidon, il n'y a aucun doute. Et avec la connivence de François Mitterrand, vous le dites. Il n'y a aucun doute. Bon. À partir de là, c'est quand même effectivement la résurrection, elle est quand même rapide, puisque François Mitterrand est le candidat de la gauche à l'élection présidentielle qui suit en 65, oui. Et qui va même mettre le général de Gaulle en ballotage. 5 ans plus tard, oui. Ouais, enfin, c'est pas non plus énorme. Oui, mais alors c'est toute la force morale de François Mitterrand, c'est qu'il a réussi un peu à noyer le poisson pendant l'affaire. Hein mais il faudrait essayer de savoir c'est quoi les hypothèses finalement. Alors, on y va. On va oui. Peut-être qu'on peut trouver les hypothèses aussi à travers les personnages. Pesquet d'abord. Qui est ce type et pour qui il travaille? Hypothèse. Pourquoi il fait ça? C'est un ancien poujadiste, un type d'extrême droite qui est un homme de coup pas un homme de main, mais enfin un personnage louche, trouble. Quoi. Et vraiment, ce qui est très bizarre, c'est pourquoi Mitterrand. Finalement accepte ce marché. Ça, c'est difficile à comprendre. Alors, il y a la thèse que Pesquet a donnée au départ, c'est Mitterrand a tout monté. Ouais. C'est lui qui aurait parlé à Pesquet pour dire... C'est lui qui aurait eu l'idée. Voilà, vous allez monter un faux attentat, moi ça m'arrange pour ma carrière. Évidemment. Ça, je n'y crois pas. Je pense pas que ce soit possible. Pour monter ce genre de coup, on s'adresse pas à quelqu'un qu'on connaît pas. Déjà. Bon, c'est un peu risqué. En plus, pourquoi Pesquet l'aurait-il fait? Il n'était pas un ami de Mitterrand, il n'avait aucun intérêt à favoriser la carrière de ce personnage. Donc, à mon avis, ça ne tient pas debout. D'ailleurs, Pesquet a démenti après cette version. Alors, l'autre hypothèse, c'est Pesquet vient voir Mitterrand. Ça me paraît à peu près avéré, puisque Pesquet était allé voir déjà Bourgès-Monoury avant. C'est vrai. Hein donc, il cherchait à piéger des gens. Bourgès, lui, avait prévenu la police. Ce que Mitterrand aurait dû faire. Alors, Mitterrand ne l'a pas fait. Soit dit au passage, ouais. Il n'aurait pas eu d'affaire. C'est ça, voilà. Il aurait dit, bon, ce type bizarre est venu me voir, il me parle d'un attentat contre moi. La police aurait dit, bon, on va l'interroger, et puis on va peut-être vous mettre une protection spéciale. Comme ça, au moins, on limitera les risques. Mitterrand n'a pas fait ça. C'est là où c'est bizarre. Et c'est là où on peut penser que, finalement, il était assez attaché à cette idée pour qu'on parle de lui, pour... Alors, voilà. Apparaître comme un héros. Alors, il est possible que Pesquet lui ait dit, vous savez, on m'a chargé de vous tuer, je veux pas le faire. Oui, c'est ce qu'il a dit après. Ça, c'est possible. Parce que Pesquet, il a changé 4 fois de version, donc c'est difficile de se fonder sur lui. Mais enfin bon, après, Pesquet a dit, on m'a chargé de vous tuer, si je ne le fais pas, je vais avoir des ennuis graves, peut-être qu'on va me tuer moi. Donc, prêtez-vous au jeu. Et Mitterrand se dit, il y a une ampoule comme ça qui s'allume dans sa tête en disant, je serai la victime, donc ma carrière politique sera tout d'un coup, redoré, boosté, etc. Donc mais s'il a fait ça, c'est pas un crime d'État, mais c'est quand même un risque incroyable. Incroyable. Incroyable, parce qu'il est entre les mains d'un personnage qu'il connaît mal, ou pas, qu'il connaît comme ça par ouï-dire, ou par relation interposée. qui est un adversaire politique quand même. Et il n'imagine pas qu'il puisse y avoir un piège derrière. Ça, c'est difficile à comprendre. C'est là qu'il y a le mystère psychologique de Mitterrand est là. Quoi. Alors, donc, résume. Selon vous, François Mitterrand n'est pas à l'origine de l'idée. Lui est soufflée. Il se dit tiens, ça peut servir. En gros, c'est ça. Oui, alors peut-être qu'il a, parce qu'après il a dit, mais j'ai, au fond je l'ai pris en pitié, quoi. Enfin, je pensais que ce Pesquet me prévenait que j'étais menacé, lui-même était menacé, donc je me suis mis d'accord avec lui pour qu'on se soit sauvés tous les deux, finalement. Ouais. Bon, alors, peut-être, comment prouver que c'est pas vrai? Difficile. Difficile. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Pesquet a dit le contraire après, mais bon, Pesquet, il ment tout le temps. Mais, si on est dans les hypothèses, hein, il faut être prudent, ça paraît peu vraisemblable. Qu'est-ce qui paraît peu vraisemblable? Que Mitterrand ait marché dans cette combine, ça me paraît bizarre. Parce que Mitterrand... Alors, s'il n'a pas marché dans cette combine, c'est qu'il a eu l'idée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, qu'il a dû se dire, oui, peut-être que Pesquet, effectivement, est chargé de me tuer, et que... mais j'y vois un avantage, quoi. C'est un coup de poker. Je fais un coup de poker. Et puis il a pris un risque beaucoup trop élevé et l'autre en fait le piégeait, quoi. Comme vous le disiez, c'est pas un film. C'est difficile existé, à comprendre parce que Mitterrand, il était ancien ministre de la Justice, il était dans la résistance pendant un an et demi, les coups tordus, il connaît ça par cœur. Hein. Ouais. Il avait été pris déjà dans plusieurs affaires où il n'était pas coupable d'ailleurs, l'affaire du commissaire Dide. Oui, et puis il connaissait les dessous de beaucoup de choses. Il était ministre de l'Intérieur, il était ministre de la Justice, il a été 11 fois je crois ministre ou quelque chose comme ça. Donc il savait en plus. Cette période-là, après la résistance, après la libération et sous la quatrième, pendant la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, les coups tordus, il y en avait partout, tout le temps. Il y avait des coups d'État, il y avait des risques de. C'est pour ça qu'on a insisté sur putsch. Le contexte, hein, au début. Oui, non, mais absolument. Ce contexte explique pourquoi les gens sont prêts à prendre des risques considérables en politique. Parce que c'est. La vie et la mort, finalement, font partie de la vie politique. À cette époque-là. Après avoir disparu des écrans et des coupures de presse, on va dire, l'affaire a sombré finalement, elle ressort, forcément, au mois de novembre 1965, à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Raison qui pousse le présentateur et journaliste Roger Louis à interroger François Mitterrand sur la question, mais alors c'est presque, excusez-moi de vous poser la question, enfin je vous la pose quand même. Vous avez été également férocement attaqué pendant cette période-là. Vous êtes probablement l'homme politique qui a été attaqué le plus vigoureusement et qu'on a essayé de compromettre, du reste. C'est certain. Depuis 20 ans, je crois que peu d'hommes politiques ont été aussi souvent attaqués que moi-même. Et avec autant de méchanceté. Il reste une... Quand on est à l'extérieur, quelque chose de... d'irritant dans cette part-là. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Mais sûrement. Je n'ai jamais hésité à aborder ce problème. Il me suffirait pour cela de me reporter aux grands exemples d'un Georges Clemenceau qui toute sa vie dut souffrir de ce genre d'attaque. Et pour ce qui me concerne, peut-être pensez-vous à l'affaire des fuites par exemple. En réalité, vous n'ignorez pas, on a su très vite qu'il s'agissait d'une bande de filous qui fabriquaient des faux papiers et qui voulaient se rendre intéressants. Mais j'en ai souffert. Qu'on n'en parle plus, tout est clair sur ce point. Peut-être... L'affaire de l'Observatoire reste-t-elle plus obscure, dans la mesure où depuis 6 ans, jamais le gouvernement ni la justice ne m'ont donné l'occasion de m'expliquer sur des faits tout de même qui me concernent. Alors, admettons qu'effectivement François Mitterrand soit tombé dans un piège. Hein, c'est probable, il s'est laissé piéger. Qui tend le piège? Mais avec quelles sont les forces politiques qui tendent ce piège? Alors, il y a deux hypothèses. Il y a celle qu'a dite Pesquet, donc ce serait Tixier. Ouais. Donc l'extrême droite. Quoi. L'extrême droite décide de piéger un certain nombre d'hommes politiques plus ou moins de gauche, plus ou moins modérés en tout cas, et que l'extrême droite soupçonne de vouloir brader l'Algérie, selon la terminologie d'époque. Hein, puisque Mitterrand s'était prononcé, après avoir été un fervent défenseur de l'Algérie française, il s'était prononcé depuis un certain temps pour la négociation. Pareil pour Bourgès Monory. Donc les gens d'extrême droite, on va leur monter un bateau, un piège, et comme ça on va les discréditer, on va éliminer ces gens-là qui plaident constamment pour la négociation, c'est-à-dire l'abandon de l'Algérie. C'est tout à fait vraisemblable. Ça, c'est Pesquet étant lui-même d'extrême droite. Donc c'est, tout ça. Mais alors, il y a une autre hypothèse qui est beaucoup plus rocambolesque et que Mitterrand a agité quand il s'est défendu, notamment au moment du débat sur la levée de l'immunité parlementaire. Parce qu'il n'a pas dit les choses directement, mais il a dit « Je me souviens que en 1957, j'étais ministre de la Justice, je reçois Michel Debré. » À l'époque, Debré n'était pas au pouvoir. Debré était, c'était le procureur de ceux qui voulaient brader l'Algérie. Et il travaillait pour De Gaulle, et il montait des complots pour essayer de faire revenir De Gaulle au pouvoir. Et un de ces complots a fini par aboutir, parce que c'est le complot du 13 mai, où effectivement De Gaulle est revenu. Donc, dit Mitterrand, Debré vient me voir pour me parler de l'affaire du bazooka. Voilà. Que vous avez évoqué, n'est-ce pas? Attentat raté contre Salon. Alors, c'est l'affaire du bazooka, c'est très compliqué tout ça. Hein. L'affaire du bazooka. Résumons. On va pas noyer l'auditeur. Des gens d'extrême droite, en 1957, donc avant le retour du général de Gaulle, montent un attentat contre Salon. Très compliqué, parce que Salon, à l'époque, était soupçonné de vouloir négocier avec le FLN. Ouais. Parce qu'il était soupçonné d'avoir déjà eu une attitude antipatriote, selon l'extrême droite, en Indochine. Il était considéré comme un général républicain, ce qui est un paradoxe, puis après ça va devenir le chef de l'OS, donc les plus farouches partisans de l'Algérie française. Mais enfin, à cette époque, il est soupçonné. Donc, on monte un attentat contre Salan, qui a eu lieu. Seulement, Salan y a échappé, parce qu'à son bureau, il y avait un officier qui était assis à sa place. Le commandant Rodier, qui a été tué dans l'attentat. Et Salan a échappé à l'attentat. Et ensuite, on a cherché qui étaient les commanditaires. Et de fil en aiguille, on pense aujourd'hui qu'il est possible, c'est pas certain, hein, il est possible que ce soit Michel Debré qui ait commandité l'attentat contre Salan, de manière à déclencher une affaire qui aurait mis en difficulté la 4ème République et qui aurait permis à l'armée d'obliger le gouvernement à rappeler le général de Gaulle. Tout ça est très compliqué. Hein, mais ce qui s'est passé plus tard, d'ailleurs. C'est ce qui est passé un an plus tard. Donc ça veut dire que Mitterrand, en gros, on dit que si vous continuez, moi j'ai un dossier. Quoi. J'ai un dossier, voilà, sur Debré. Il a agité... Okay. La menace de révélation sur l'affaire du bazooka qui aurait mis en cause Michel Debré, lequel Michel Debré était quand même Premier ministre à l'époque. Premier ministre du général de Gaulle. Donc, vous croyez à l'hypothèse? Donc, beaucoup de gens pensent que s'il n'y a pas eu si les poursuites contre Mitterrand se sont arrêtées. C'est à cause de ça. C'est à cause de la menace brandie par Mitterrand sur l'affaire du bazooka. Bien, c'est très intéressant. Maintenant, pourquoi François Mitterrand? Car après tout, c'est vrai qu'on a toujours du mal à s'imaginer que François Mitterrand a été un homme politique un peu sur le chemin, sur le quai, hein. Contre ce qu'il est devenu après. Mais pourquoi lui? Parce qu'à cette époque-là, c'était pas quelqu'un de très important. Il avait une carrière ministérielle importante sous la 4ème. Enfin, il ne pesait pas. C'était Madès France, notamment la grande star de la gauche. Oui et non. Mitterrand avait une réputation de, comme disait François Mauriac, de personnage de roman, c'est-à-dire d'aventurier, de Rastignac, comme ça. Et ceux qui connaissaient le milieu politique, ce qui était le cas de beaucoup de gens d'extrême droite, savaient que ce Mitterrand était un type d'avenir. Probablement. En tout cas, un type très talentueux. Extrêmement déterminé, un ancien de la guerre, de Vichy, puis de la résistance, qui savait manœuvrer, qui avait été plusieurs fois ministre, qui avait dirigé, qui dirigeait toujours, d'ailleurs, tout petit parti qui faisait la charnière des majorités, donc qui était un homme politique important. Alors Mitterrand, sa carrière était un peu à l'arrêt, parce qu'il avait été courageux. Alors, on le reproche toujours d'être opportuniste, il ne l'avait pas été, puisqu'en 58, il aurait pu rallier, comme avait fait la SFIO, le général de Gaulle. Or, il s'est présenté d'emblée... Comme l'opposant. Comme un avec Madès. Grand opposant au régime. Oui. Le grand opposant au régime, et il avait dit, on le sait ça dans les biographies, il avait dit à ses proches, il y en a pour 20 ans. Et il avait écrit Le coup d'État permanent. Et après, il avait écrit Le coup d'État permanent, qui était un très bon bouquin, qui était très violent contre le régime du général de Gaulle. Donc, il comptait quand même. Et la voix qui se faisait entendre pour la négociation, venant de Mitterrand, qui avait été ministre de l'Intérieur au début de la guerre d'Algérie, puis ministre de la Justice, qui était donc un partisan du maintien de l'Algérie dans l'orbite français, et comptait. Même s'il était sur le bord du méandre du fleuve. Mais quand même, c'était un type important. Alors, il y a la dimension humaine, évidemment, ce qu'on doit quand même ressentir quand on est un homme ambitieux, quand on a une carrière à mener, quand on est encore jeune, qui vous tombe un truc comme ça sur la figure, c'est quand même très très dur. Et parmi ceux qui ont vécu cet épisode, à ses côtés, il y a bien sûr la première, son épouse, Danielle. En 1997, un an après la mort de son mari, elle a témoigné pour la première fois sur cette affaire, face à la journaliste Laure Adler. C'était dans l'émission Le Cercle de Minuit. Écoutez. On parlait des blessures. François Mitterrand restera au panthéon de notre histoire, au cœur de tous les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Mais on a oublié chez François Mitterrand le temps de la galère, le temps des incertitudes, le temps des mandats qu'il fallait briguer, le temps des campagnes électorales difficiles, douloureuse, fatigante, etc. Et on a oublié cette période qui, je crois, vous a beaucoup blessé. C'est la période de l'attentat de l'Observatoire. Comment avez-vous vécu à ce moment-là ? Je l'ai très mal vécu parce que c'était une machination qui tendait à détruire un homme d'abord, en lui tirant à balle réelle sur lui, et ensuite le déshonorer. Et que ce sont des pratiques, hélas, que l'on connaît et qui sont les plus perfides. C'est pourquoi cette période, j'en ai énormément souffert, parce que François a été le jouet et l'otage d'une machination, et véritablement nous avons retrouvé le véritable goût de vivre le jour où il a dévidé la bobine, si je veux dire, qui a tiré le fil de la vérité et qu'il a pu s'en prévaloir. Pour nous, ça a été très, très difficile à vivre, mais ça l'est aussi pour tous ceux qui souffrent de cela. Plusieurs témoignages disent qu'il a pensé au suicide. C'est possible. Moi, j'avais eu l'occasion de parler de cette affaire avec Badinter, et Badinter était très éloquent là-dessus. Il l'a vu juste à ce moment-là, et il décrit un Mitterrand recroquevillé, tout gris, ma vie est foutue. Il a même, paraît-il, sorti cette phrase, qui n'est pas forcément à son inventaire. Tout ce travail pour rien. Ce sera le mot de la fin. Mais Laurent Geoffrin, parce que c'est sa l'heure. Force morale est hors du commun quand même. Bien sûr. Survivre à ça. Bien sûr. Parce que sa culpabilité, c'est celle d'un homme imprudent, au pire. Voilà. Au pire. Merci infiniment, Laurent Geoffrin, et à bientôt dans le cadre du partenariat entre le journal Libération et l'émission Affaires Sensibles. C'était donc Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire de l'Observatoire, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Bon.